J'en pleure de joie, j'en pleure de rire, j'en pleure sa Jeanne qui est partie avec Rosemary. J'en pleure sa Jeanne. J'en pleure de rire, j'en pleure sa Jeanne qui est partie avec Rosemary. J'en pleure de joie, j'en pleure. Avec Rosemary.